Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui, mais restez avec nous. Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la Première. Fin novembre 2018, les changements législatifs en Hongrie forcent l'Université d'Europe centrale à Budapest, fondée par George Soros, à déménager en Autriche. L'université a finalement préféré prendre les devants. Plutôt que d'attendre un hypothétique feu vert de la part du souverainiste Viktor Orban, après plus d'un an et demi d'une bataille juridique sans équivalent au sein de l'Union européenne, elle a annoncé en octobre 2018 le déménagement à Vienne de ses cursus internationaux à partir du 1er décembre. Histoire vivante s'est rendue à l'été 2018 dans cette université à Budapest. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, portrait d'un sociologue hongrois. Eh bien, je suis Viktor Karadi. Savoir et politique. J'ai fait ma carrière de chercheur en sociologie historique à Paris. Itinéraire d'une pensée. Viktor Karadi, on vous demande un effort évidemment considérable depuis le début de cette semaine, à savoir résumer, synthétiser des décennies de travaux et de recherches. Je rappelle pour ceux qui prendraient le train en cours que vos outils de travaux, en quelque sorte, sont de vastes bases de données qui vous ont permis notamment de travailler les situations, notamment des population dans les systèmes universitaires et scolaires, en travaillant sur l'éducation des élites, les mobilités socio-professionnelles, l'histoire sociale des populations juives. Parvenir à ce travail qui, de notre côté, quand on n'est pas du tout formé aux statistiques, de passer de chiffres à un récit paraît déjà assez déconcertant, mais sans doute faut-il des années d'expérience pour arriver justement à créer du récit à partir de colonnes. Vous nous disiez hier notamment que la Hongrie est décidément un endroit extrêmement singulier concernant la population juive dans le domaine de l'intégration. Si on devait revenir peut-être un petit peu plus en détail avec vous sur ce que l'État hongrois laisse comme ouverture et comme possibilité aux populations juives, tant, et c'est un peu la dernière anecdote que vous nous avez confiée hier, qui m'y fait penser, tant la notion d'intégration n'existe même pas. On est hongrois, quasiment avant tout, avant presque même d'être juif. Est-ce bien cela ? Cela vaut évidemment pour une partie des populations hongroises assez bien délimitées, c'est-à-dire des gens des grandes villes, surtout de Budapest. Il faut bien dire que jusqu'à l'existence du royaume ancien, 1919, Budapest a hébergé un quart de tous les juifs du pays. Donc Budapest, c'était quelque chose de beaucoup plus important. C'est pas sans parallélisme d'ailleurs avec la France, parce que en France aussi, au moment de l'affaire Dreyfus, vous savez, lorsque dans les petites villes de France et de Navarre, on hurlait « mort aux juifs », la plupart des gens qui faisaient ça n'ont jamais vu un juif, parce que les juifs étaient concentrés à Paris et puis dans quelques grandes villes comme à Bordeaux, au Havre ou en Alsace, essentiellement. Alsace-Lorraine, évidemment. Donc, à Cahors ou à Perpignan, on voyait pas, j'imagine, on savait pas ce que c'était un juif. Bref, je reviens pas aux effets de la propagande. Mais ce qui veut dire que la communauté juive à Budapest, par exemple, est de quel ordre, si on a une... C'est 200 000 à la fin du 19e et un peu plus par la suite, alors que Budapest approchait le million d'habitants à l'époque. C'était un développement urbain fulgurant à partir de 67, c'est-à-dire à partir du compromis, avec un afflux de juifs et d'autres, évidemment. Toutes sortes de gens venaient parce que c'était le centre absolu de l'industrialisation du pays. Mais pour revenir à votre question, je pense que cette partie, disons, modernisatrice et portée à la modernisation des populations juives a joué certainement un rôle moteur dans la modernisation du pays sur au moins trois plans. Premièrement, le développement industriel, le grand capitalisme en Hongrie. Alors là, les chiffres sont difficiles à être fixés, mais à 70-80% était le fait d'entrepreneurs juifs. Bon, c'est un point essentiel. Deuxième chose, dans les professions libérales, ils avaient un rôle capital, à la fois parmi les avocats, en médecine, parmi les ingénieurs et dans toutes les autres professions libérales. Ils avaient un point important, peut-être pas aussi important ailleurs qu'en médecine, par exemple, où ils avaient souvent une position majoritaire, à Budapest absolument majoritaire. Troisième plan, c'est moins connu, mais c'est très important dans toutes les professions artistiques et intellectuelles, dans l'avant-garde de tout ce qui est... Alors, pas seulement dans les arts en propre, mais dans les métiers comme, c'est-à-dire les arts au sens où c'est eux qui ont créé au sens propre l'industrie du film et les cinémas. Toute cette infrastructure à Budapest qui était promotrice d'avant-garde et d'activités artistiques, à commencer par les cafés littéraires, les cafés intellectuels, les cafés jouaient un rôle incroyable partout dans l'Europe centrale, à Budapest plus particulièrement, dans les grandes villes hongroises plus particulièrement. Parce que lieu de débat, lieu d'échange, lieu d'échange et lieu de création, beaucoup d'intellos n'avaient pas d'appartements suffisamment confortables pour travailler à la maison, où il y avait des enfants et femmes, etc. Et ils venaient travailler dans les cafés. Les cafés, c'était des juifs, c'était à 90% des juifs. Donc il y a des choses qui sont très claires. Le cinéma, c'est les juifs. La photographie, enfin l'art de la photographie, d'ailleurs les Français en savent quelque chose. Si vous pensez aux grands artistes français qui s'appellent Brochaï, Munkácsy, Kertész et compagnie, enfin j'énumère pas toute la liste. Alors Hongrie c'était pareil, donc tout ce qui était avant-garde artistique et tout ce qui est institution d'accompagnement, c'est-à-dire les premières agences privées prenant en charge les artistes pour diffuser leurs œuvres, étaient formés par des juifs, étaient le fait des juifs. Donc, une troisième marché, en quelque sorte, qui accompagne la modernisation intellectuelle et qui était presque entièrement, en fait, très largement, le fait de juifs. Il y a auparavant, et je vous lis Victor Karadi, dans cette phase d'unification culturelle qui va accompagner la modernité de l'Europe. Sortir du féodalisme, écrivez-vous, sous-entend qu'on se fabrique des outils adaptés. Ça va être aussi bien les académies, les sociétés savantes, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les conservatoires de musique, les opéras, et évidemment les systèmes scolaires nationaux. Il faut bien les considérer, et ça vous nous aidez beaucoup là-dedans, que tout ce que l'on nomme aujourd'hui édifice, endroit où on se rend en famille en prenant le billet, ce sont d'abord des outils de transformation vers la modernité de l'Europe. Est-ce que vous pouvez revenir précisément sur ces actes fondateurs ? Parce que on ne se représente plus du tout aujourd'hui tel musée ou tel opéra ou tel théâtre comme ayant cette histoire-là. On va à une bâtisse. En plus de ça, l'œil est d'abord attiré par le programme, mais on ne regarde pas l'édifice comme symbole d'une histoire de l'État. Oui, alors là, il faut que je sois très prudente parce que là aussi, il y a des cas nationaux qui ne sont pas du tout identiques. Le cas général, je pense que l'Angleterre peut faire une exception. Mais le cas général en Europe, c'est que les grandes institutions publiques de diffusion culturelle sont en Europe les créations des gouvernements, tout simplement, les États. Alors bon, en France, ça remonte au royaume, tout ce qui est académie française, bon, entièrement transformée, retransformée sous l'effet de la Révolution, même au moment de pendant la Révolution, mais quand même, ça remonte au royaume, même le système scolaire, là. La sélection scolaire, l'agrégation, par exemple, comme invention d'examen, date de l'Ancien Régime. Les grandes écoles, certaines, ponts et chaussées, mines, ça date de l'Ancien Régime. En Hongrie, c'est plus simple parce que tout ce qui est moderne en termes d'institutions étatiques date du 19e siècle. Auparavant, il n'y avait pratiquement rien parce que la Hongrie était un État dépendant, avec une élite noble, mais pas de gouvernement propre. Bon, c'était une colonie, en quelque sorte, de l'Autriche. Alors que, au moment dès le début du mouvement de développement de l'État-nation, on commence à créer des institutions culturelles nationales, les deux les plus marquants étant les théâtres, dans la langue du pays, c'est-à-dire hongrois. C'est une grande innovation, puisqu'auparavant, les théâtres, c'était plutôt d'importation. Et même si c'était local, c'était en allemand. Alors, les théâtres dans la langue du pays, c'était de la majorité petite, enfin, lorsque je dis majorité, évidemment, il faut que je me corrige tout de suite, parce que lorsque les premiers théâtres en langue hongroise apparaissent, dans la population, les Hongrois parlant la langue ne représentaient pas plus de 40%. Autrement dit, le public comme le répertoire est essentiellement tourné vers une élite. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et deuxième chose quand même, la deuxième grande création, et là celle-là publique, c'était l'Académie des sciences. L'Académie des sciences, qui a été créée par les membres du Parlement aristocratique, qui ont donné des sous, à commencer par le fameux Széchenyi, qui ont donné de l'argent pour qu'il y ait une société savante appelée Académie, à l'imitation des grandes académies comme l'Académie française ou d'autres. En Italie, il y a beaucoup d'autres académies. En Angleterre, il y avait dès le XVIIe siècle Royal Society. Enfin bon, il y avait des modèles, mais sur ces modèles-là, ils ont créé tout de suite une académie. Et lorsque l'État-nation s'est effectivement réalisé après 1867, les autres institutions comme Musée national, comme Archives nationales et Bibliothèque nationale et d'autres bibliothèques ont été, alors non pas parfois créées et parfois développées à partir de prémices qui remontaient à l'époque antérieure, par l'État. C'est-à-dire il y avait une promotion centralisée, gouvernementale, des grandes instances, des grandes institutions de diffusion culturelle. Victor Caradine, nous parlons des relations entre une communauté juive et puis un État-nation en Hongrie, mais on est en train de parler d'une communauté juive comme si elle était de fait communautaire et homogène. Or, rarement les humains se trouvent dans cette catégorie d'homogénéité absolue. Faut peut-être pas d'ailleurs se désespérer là-dessus. Il y a de l'hétérogénéité dans le secteur. Qu'en est-il ? Alors, la Hongrie, sous ce rapport, est encore une singularité tout à fait exceptionnelle, parce que la Hongrie est le seul pays d'Europe où formellement, institutionnellement, légalement, a réalisé la division des communautés juives en plusieurs grands secteurs. Partout en Europe, vous avez la multiplication des sensibilités religieuses dans les populations juives. Et alors, le grand changement est intervenu dès la fin du 18e siècle avec la Haskala de Berlin. On appelle ça bien Haskala de Berlin. Mais En Hongrie, cet ASCA-là a eu un effet rapide et important, mais dans les autres pays, les communautés ne se sont pas, sur le plan national ou étatique, ne se sont pas formellement scindées en plusieurs institutions. En Hongrie, dès la soi-disant compromis avec l'Autriche, 1867, qui est la date formelle de la création de l'indépendance du pays, l'indépendance pour les affaires intérieures, le ministère de l'éducation nationale des cultes, parce que les cultes étaient inclus dans les compétences du ministère, a appelé les juifs à un colloque ou à un congrès. Comme les autres religions avaient un statut particulier, le statut des juifs n'était pas fixé légalement. Ce congrès était un échec complet et cet échec a sanctifié, a consacré la division des juifs en Hongrie en deux, par la suite en trois parties. Il y avait les orthodoxes d'un côté, les soi-disant néologues de l'autre, les réformistes, et puis entre les deux, ceux qui ne voulaient pas opter ni pour l'un ni pour l'autre, et ils s'appelaient status quo ante. Alors c'était, encore une fois, tout à fait unique en Europe, parce qu'il y avait des lois qui réglaient le rapport de chacun des trois secteurs avec l'État. Chaque secteur avait son autorité centrale et ses règles de fonctionnement propres. Donc ça s'est passé de telle façon nulle part ailleurs qu'en Hongrie. Et alors ce qui est important, c'est que le secteur réformiste est devenu de plus en plus important et dans l'entre-deux-guerres, ce secteur avait déjà probablement la majorité parce que le gros de ce secteur s'est localisé à Budapest et Budapest, dans l'entre-deux-guerres, hébergeait déjà la moitié des Juifs de Hongrie, de la petite Hongrie, donc tronquée après les traités de Versailles. Victor Caradi, on va entamer le dernier chapitre de notre conversation. On vous remercie encore une fois de nous accueillir dans votre bureau à Budapest. Vous pensez bien que il m'est difficile de ne pas évoquer un présent plus contemporain. Vous nous avez décrit jusque-là une Hongrie pas du tout mythifiée mais étudiée par vous, au travers des bases de données dont vous nous avez parlé précédemment. Et on se demande, je me demande, en tout cas moi, dans quelle Hongrie on se trouve aujourd'hui. Alors, cette Hongrie d'aujourd'hui, quelle est-elle? Comment la définir? Alors là, vous posez la question la plus difficile de toutes les questions historiques que vous ayez pu poser. Parce qu'il est plus difficile de porter un jugement sur le contemporain dans lequel on vit, qui est effectivement inquiétant sous bien des rapports. Avant de vraiment répondre, il faut dire que la Hongrie dont j'ai parlé s'arrête en 1919. En 1919, il y a une nouvelle Hongrie qui naît, à la fois territorialement, parce que c'est la Hongrie d'aujourd'hui, en gros, un tiers ou un peu plus d'un tiers de l'ancien pays en termes territorial et à peu près la même chose en termes de population. C'est-à-dire c'est un pays tronqué dont une partie de la population vit à l'étranger. Alors, deuxième remarque, dans l'entre-deux-guerres, il y a tout de même, avec des hauts et des bas, une période qu'on peut simplifiant beaucoup, une période qui va vers le fascisme. Au début, c'est pas le pire des fascismes, à la fin, c'est vraiment la pire des fascismes. Donc, c'est tout de même pas à négliger que le pays a eu des pertes énormes. Pour parler brutalement, à peu près 10% de sa population a péri dans les deux dernières années de l'époque de l'Ancien Régime, 43-44, y compris la majorité de la population juive qui, à l'époque, trois quarts a disparu. Il y avait aussi des mouvements d'émigration considérables pendant et surtout après la guerre. Et puis le communisme est venu dès 48-49. Le communisme parmi les pires des formes de communisme. Alors après 56, c'était peut-être le meilleur des communismes. Enfin, on disait à l'époque que c'était le communisme à la goulash. Ce qui décrit un peu, de façon un peu, encore une fois, un peu populaire, une réalité qui était réelle, c'est-à-dire un compromis entre le régime communiste à parti unique qui s'est maintenu et une population qui était bénéficiaire de l'allègement du poids de ce système à parti unique. Donc, certainement, la Hongrie à l'époque, sous tous les rapports, rapport à l'étranger, facilité de voyage, niveau de consommation, amélioration régulière du niveau de vie jusqu'aux années 80, vivait mieux que dans d'autres régimes communistes, ça on peut dire. Alors par la suite, moi j'ai des... Comme tout le monde a des interrogations, c'est-à-dire comment un pays qui était apparemment dans la meilleure position pour entrer dans un processus de rattrapage du retard par rapport à l'Occident n'a fait que qu'accumuler des retards. En tout cas, ne pas faire ce rattrapage. Et alors, dans la dernière période, très concrètement depuis 2010, il y a un nouveau processus qui est un processus de... Enfin, c'est encore vite dit, mais très clairement, centralisation du pouvoir qui a beaucoup d'aspects déjà vus à l'époque communiste, avec centralisation de la presse gouvernementale qui a une emprise actuellement presque totale. En province, la presse gouvernementale a pratiquement le monopole de la diffusion d'informations écrites, enfin imprimées. La même chose vaut pour les médias. Si on fait l'exception des hebdomadaires, de la presse hebdomadaire, il n'y a pas de liberté de la presse au sens de presse équilibrée où les opinions du gouvernement sont diffusées autant que l'opinion de l'opposition. Dans ce sens-là, il n'y a pas de liberté de la presse. Donc, situation totalement déséquilibrée. Pour ce qui est du pouvoir local, c'est-à-dire du pouvoir des municipalités, des territoriales, pouvoirs territoriaux aussi, il y a une centralisation absolue des pouvoirs. Ce qui est pire, ce qui rappelle alors là plusieurs régimes malfamés, c'est que ce pouvoir est extrêmement personnalisé. Nulle part en Europe, démocratique ou surtout démocratique évidemment, on ne voit pas un pouvoir aussi personnalisé. Malheureusement, les modèles sont à Moscou ou à Istanbul, ce qui n'est pas un très bon signe. Donc, sous ce rapport, le pays va dans une direction dangereuse. J'en dirai pas plus, parce que ça, il faudrait entrer dans des détails très compliqués, mais sous ce rapport, il y a un changement de direction depuis 1910, et un changement de direction qui nous éloigne de l'Europe. Tout dernier point, vous nous disiez en début de semaine que l'établissement dans lequel nous nous trouvons lui-même fait partie des établissements menacés. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous en dire un peu ? C'est une situation tragique. Le gouvernement a fait une loi l'an dernier qui prévoit que certaines conditions doivent être remplies pour qu'un établissement d'enseignement supérieur étranger puisse subsister en Hongrie. l'université a accompli, enfin réalisé tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire satisfait à toutes les exigences du gouvernement dès septembre dernier, et on attendait que le gouvernement donne le signe vert, c'est-à-dire signe l'accord qui était prévu avec l'État de New York, puisque l'université est inscrite dans le réseau universitaire de l'État de New York. Alors tout le monde s'attendait que dans cette situation, le gouvernement signe l'accord final avec l'État de New York pour laisser vivre l'université. Et cet accord n'est toujours pas signé et on attend toujours que ça soit fait. Et on a de plus en plus de doutes que le gouvernement veuille bien le faire. Et il n'y a pas de raison formelle, objective, légale, pour que l'université ne puisse pas survivre, mais il y a toutes les raisons pour craindre que le gouvernement ne veuille pas qu'elle reste à Budapest, ce qui serait une perte sèche et énorme pour le pays, parce que je ne cite que ce seul petite chose essentielle pour tout établissement d'enseignement supérieur et de diffusion de la culture. L'Université d'Europe centrale a la meilleure bibliothèque, de loin la meilleure bibliothèque en sciences humaines, de Vienne jusqu'à Tokyo probablement, et je crains qu'à Tokyo on n'en trouve pas de pareil non plus. Tout dernier point, Victor Caradi, on a l'impression que c'est comme si l'histoire faisait un cycle. En 1956, vous partiez de votre pays, dans les circonstances que vous nous avez racontées. Est-ce que, ainsi, 52 ans après, vous êtes en train de vous promener dans les mêmes rues, et puis vous vous dites, faut-il que j'aille de nouveau chercher un billet aller pour autre part ? Oui, il ne faut pas exagérer. Je dirais que on peut même dire le contraire. Budapest a toujours été une ville extrêmement riche, riche d'offres culturelles, plein d'auteurs, d'artistes, d'avant-garde. Et on a donné beaucoup au monde aussi. Enfin, vous en retrouvez sans doute la trace en Suisse comme à Paris. Mais à Budapest, on peut toujours très bien vivre. Je dirais même de mieux en mieux, parce que d'un côté, il y a ces développements politiques assez effrayants. Premièrement, il y a une ville qui fait de la résistance, parce que même en termes politiques, la ville est du côté de l'opposition dans sa majorité. Mais culturellement, même pour le paysage et pour la qualité de la vie, c'est un lieu, à mon sens, formidable, que j'aime beaucoup et qui donne à penser que la vie est belle. Mais il est difficile de croire que ça puisse continuer si on peut expulser une université qui, d'après tous les indices objectifs, il y en a beaucoup, est le meilleur dans les sciences humaines, certainement, du pays, qu'on puisse expulser d'un jour à l'autre, comme ça, que ça puisse continuer comme ça. Donc, que voulez-vous dire? Je continue à, non pas à résister, mais être heureux ici, tout en craignant le pire pour cette université et pour le pays aussi. Victor Caradi, on vous remercie de nous avoir accueillis dans votre bureau. On sera évidemment attentif, d'autant plus, à l'évolution de cette université, en souhaitant le meilleur pour elle. Encore une fois, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci beaucoup. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Avec aujourd'hui la participation de Christian Morero, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker.